Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec Marc Diquet de Kick FM 95.7. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, on va y aller avec nos prix orange et citron de la semaine. Pas mal de prix orange et citron cette semaine, dans mon cas. Donc, on va commencer avec les tiens. Ben écoute, avec l'orange, là, puis c'est... Je me contredis peut-être un peu en disant ça, mais quand on fait le pour et le contre et qu'on pense à tout, moi je pense qu'il faut mettre les Canadiens là-dedans. Ah ouais. Parce que les Canadiens de Montréal, malgré qu'ils ont été éliminés officiellement avec la victoire des Blue Jackets contre les Rangers de New York, n'étaient pas supposés de se battre pour une place en série. On s'attendait à une saison très difficile. Et Marc Bergevin, malgré tout, a pas mal travaillé cette année. Il y a des choses que je suis moins d'accord, mais quand tu penses à la transaction de Max Pacioretty, qui s'avère un succès, quand tu vois ce que Thomas Tatar t'a donné à Montréal. Deuxième choix, puis Nick Suzuki aussi, là. Effectivement. La transaction de Galchenyuk pour Domi, écoute, c'est même pas comparable. On peut même pas comparer l'impact de joueurs avec leur équipe. Tu sais, Jordan... Oui, à la fin de l'année, on se demande quasiment si on ne donne pas un contrat parce qu'il y a bien fait à Montréal contre Chaput, tu sais, Chaput, c'est un joueur de la Ligue américaine, on va être franc. Fait que, tu sais, grosso modo, puis moi, Follin, je ne l'ai pas détesté non plus, là, le défenseur. Yeah. Fait que, tu sais, il a pas mal travaillé, Marc Bergevin, cette saison. Malgré tout, il est resté fidèle à son plan. On a un jeune Kotkaniemi qui a montré de maudites choses. Ouais. Là, en ne faisant pas les séries, c'est le boulier bon. On peut peut-être aller chercher un autre bon joueur au repêchage pour le Canadien. T'as Romanov qui s'en vient. T'as Payling qui va jouer. T'as vraiment des choses intéressantes là, pour le Canadien. Moi, je me souviens pas, depuis que je suis là, okay, d'avoir vu le Canadien avec une banque de prospects aussi intéressante que ça. Te souviens-tu de ça, toi? Oui, moi, je me rappelle des années 85-86, quand Stéphane Richer, Claude Lemieux, Patrick Roy, ils étaient tous arrivés en même temps, là. Ah, mais ça fait 30 ans, là. Oui, je sais, mais tu m'as demandé si je me rappelais. Moi, depuis ce temps-là, il y en a-tu d'autres? Non. Ah non. Écoute, c'est triste, là. C'était un à la fois. Ouais. Puis, tu sais, il y a eu ce coup qu'on savait que ça allait être bon. Mais ça va avec les choix de repêchage qui a eu lieu. Hein, il y a eu des grandes traversées du désert avec les choix de repêchage. Ce qui est intéressant. J'ai hâte de voir l'avenir. Tu sais, il y a eu des grandes traversées du désert. Rappelle-toi de Lindsay Vallis, David. Rappelle-toi des années de David Fisher. Il y a eu Matt Higgins. Écoute, il y a eu bien des années canadiens. C'était pas varjeux le premier choix, là. Ouais, si t'en montres encore plus loin, là, les belles années de M. Boudria, là, avec les Turner Stevenson, les Brent Bilodeau, puis les David Wilkie. C'était pas chic, là. Effectivement, c'était pas c'était trop chic. Pas chic. Et là, Marc, je suis bien d'accord avec toi. Là, ce que j'espère, par contre, c'est que, tu sais, rappelle-toi de l'année passée, à pareille date, on n'identifiait même pas un joueur de centre. Là, on a 3-4 qui sont dans les mineurs, et plus Max Domi. Ouais. Égal, là, ce que j'espère, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de 2016. Rappelle-toi, en 2016, il y avait, tu sais, tout le côté gauche avait été parti en défensive avec Markov, Yemelin et ainsi de suite, puis il avait mal évalué le talent. Puis, tu sais, quelque part, faut pas tomber dans le même piège. Puis, tu sais, l'histoire que... Puis, Joe Hardy me disait cette semaine, puis il avait pas tort, Joe, quand il disait que Petrie, Tatar et ainsi de suite, ils ont tous connu une bonne année, puis on fait pas les séries. Fait que faut pas tomber dans le piège, là. Ouais, t'as peu, là. Ils ont connu une bonne année, c'est vrai, mais c'est pas... Tu sais, c'est pas des Tatar puis des Petrie qui vont t'amener au grand honneur non plus, là. Je vois pas pourquoi... Tatar, je sais pas. Mais Petrie, pourquoi Petrie serait mauvais l'année prochaine? Je veux dire, ce gars-là, année après année, je pense. Puis Jeff Petrie, là, je m'excuse, mais il donne du mot du bâti aux Canadiens. Ah, là, c'est quasiment... Là. C'est... Ouais. Arrêtons, là. T'as tort. Ouais. Réfléchir, là, parce que l'an passé, pareil, il était dans les Astrales avec les Golden Knights de Vegas. Là. Mais écoute, on verra. T'as Suzuki qui s'en vient en plus. T'as tellement de bons joueurs qui s'en viennent avec le club. Que t'as de l'espoir. Puis ça veut pas dire que Suzuki... et Payling va avoir du succès, on ne sait pas rendu là. Mais, puis tu sais, en plus, tu as de la place sur la masse salariale pour rentrer des joueurs autonomes intéressants aussi. Là. Oui, effectivement. C'est intéressant. Ils ont fait un bon boulot, le Canadien, cette année. Oh, ouais. Moi, je regardais ce matin la liste des joueurs autonomes. Il y a un gars comme Erik Karlsson. Erik Karlsson n'a pas signé de contrat. Tu vois-tu ça à Montréal? Ben, on disait que c'était une formalité là, avec qui signe avec les Sharks. Ça a l'air qu'il n'y a pas de contrat encore. Oui, mais c'est ça. Ça a l'air que c'est pas stressant pour lui ni pour les Sharks. Peut-être qu'on va finir par s'entendre là-bas. Là. Mais moi, Karlsson, sincèrement, tu sais, on a échangé Piquet, Simonac. On va aller chercher D'Artagnan qui ça a l'air que les coachs, c'est épouvantable comment est-ce qu'il est. On voit Karlsson, non, il y a des. Non. C'est drôle, okay. J'essaierais de trouver un attaquant aux bonnes affaires comme ça, mais on verra dans le temps comme dans le temps. Là. Premier juillet, on aura une bonne idée. Ouais. Mais, vite demain, moi, Karlsson, je passe mon. OK. T'as-tu d'autres prix orange? Non, le reste, ça va être du citron, mon cher. OK, moi, donc moi, je vais y aller avec mon prix. Des quelques prix orange très intéressants. D'abord, petit clin d'œil à la Chambre de commerce de Roberval cette semaine qui a invité Pierre Vercheval. Très intéressant comme conférencier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Marc, de le voir en conférence. Jamais. Très, très bon. Puis en plus, ben moi, c'est une des personnalités que je respecte le plus dans le monde du sport. Ben oui. Toute analyse confondue. Moi, je trouve que Pierre, c'est le meilleur au Québec actuellement. Puis j'ai eu l'entrevue que je vais vous présenter lundi. Très, très intéressant. Et mon autre prix orange, ben, c'est un monsieur, que c'est un icône au Canada anglais qui tire sa révérence ce soir, Bob Cole. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ben oui, à CBC. Bob, à CBC, qui a été 40 ans derrière la cravate au Wakinaki Canada. Il va décrire son dernier match à soir. Il y a 82 ans, le monsieur. Ça a été la voix pas mal pendant un grand bout de temps là, du Wakinaki Canada au réseau anglais. Là. Non, pour les Canadiens anglais, c'est effectivement très, très, très gros. Là. Ouais. Tu sais, nous autres au Québec, c'est un peu plus tranquille, mais je peux te dire, c'est souvent à Saskatoon, tu leur parles de René Lecavalier, d'après moi, ils ne savent pas c'est qui. Là, non, ils vont penser que c'est le grand-père à Vincent. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est oui pour le Canada anglais, puis quelqu'un qui a fait ça pendant de si nombreuses années que ça, c'est coup de chapeau. Là, surtout avec tous les changements qu'il y a eu dans les médias au cours des. Prends juste les 30 dernières années, c'est épouvantable comment ça a changé. Là, ouais. Puis lui, au moins, il a été chanceux parce que la soirée du hockey, ça, en anglais, ça a toujours resté à CBC. Tandis que Ratcan, ils l'ont perdu. Là. C'est une grosse erreur que Radio-Canada a faite de laisser aller la soirée du hockey. Prix citron maintenant. Ben, moi, je vais avec la Ligue de football de l'Alliance. On est la même en Allemagne. C'est très décevant. Puis je peux pas concevoir comment tu fais une analyse financière et comment que tu blâmes la NFL de ne pas t'envoyer assez de joueurs. Mais comment tu fais ton budget des opérations pour savoir que tu vas être capable de passer l'an 1 alors que tu ne l'as pas passé, puis tu n'es même pas rendu à la fin? Puis c'est ça que j'en reviens pas, là. Que quand tu n'es même pas capable de finir l'année, là, puis tu avais un contrat quand même avec CBS, tu avais des. Tu sais, je ne comprends pas. Il y a eu de l'engouement autour de la première fin de semaine. Hein. Oui, on dit que Tom Dundon pourrait avoir des poursuites parce que c'était pas si noir que ça, là. Puis moi, j'étais d'accord avec moi, Marc. Écoute, il y avait des hommes de football qui étaient là. Moi, j'avais bien confiance à ça. Tu avais Bill Polian, l'ancien directeur. T'es-tu là? Oui, je t'écoute. OK, donc t'as Bill Polian qui était l'ancien grand Manitou des Côtes d'Indianapolis. T'as Charlie Ebersole, le fils de Dick Ebersole qui est NBC Sports. Ouais. Plusieurs anciens de la NFL qui avaient des beaux noms là, là-dedans, là. Je trouve Mike Singletary, Steve Spurrier, et Spurrier, c'est une icône aux États-Unis. Là. Non, c'était pas. Puis le spectacle, je m'excuse, était très bon. Là. Ouais. C'était très, très, très bon le spectacle de l'Alliance. Là, fait que là, moi, je regarde ça, je me dis, ouais, OK. Là, premièrement, le premier effet que j'ai eu, c'est Vince McMahon qui a dû jouer dans son bureau parce que la XFL s'en vient l'an prochain. Et là, elle s'en vient tout seul. Elle s'en vient tout seul, tout simplement. Il n'y a pas de. Mais Marc, moi, je suis chez les médias sociaux. J'ai suivi les deux. Là. On entendait plus parler de la XFL que de l'Alliance Football League. Puis la XFL ouvre l'an prochain. La XFL, au niveau marketing, ben écoute, c'est la machine de la WWE. Puis s'il y a une machine qui est rodée au niveau marketing, c'est bien ça. J'espère juste qu'on ne fera pas la gaffe de 2001. Ben, sauf que, tu sais, Danny, loin de moi, l'idée de faire la balance sale, mais. C'est bien beau, la WWE contrôle le spectacle. Tandis que dans du football, tu ne peux pas contrôler le spectacle. Je suis d'accord avec toi. Sinon, ça va être un scandale majeur. Non. Mais écoute, bien, là, mais je pense c'est que... C'est ça la différence. Puis, il s'est déjà planté avec Manning, ça aussi. Ouais. Faut l'oublier. Effectivement. Puis moi, ce qui se trouve plate, c'est que des villes comme Birmingham, qui se fait 3-4 fois qui sont dans les ligues de printemps, puis ça plante. Puis, tu sais, il y a un marché pour le football printanier. Moi, je suis convaincu de ça. Par contre, ça risque d'être... tu sais, à un moment donné, faut que tu sois sérieux. Puis je pense que l'Alliance Football League, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais cette semaine qu'il risque d'avoir des poursuites à cette là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Puisque Tom Donnan est arrivé en sauveur. Au début, il disait qu'il mettait 250 millions pour compléter l'année. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que finalement, il aurait mis 70 millions. Ce qui est reproché à la NFL, c'est que semble-t-il qu'il devait avoir une entente pour avoir les joueurs de les ligues d'entraînement. Finalement, ça n'a pas arrivé. Mais ce qu'on dit, c'est que c'était sur le point de se concrétiser. Mais tu sais, me semble que tu n'ouvres pas un produit tant aussi longtemps. Tout ça, tu règles ça avant que ça débute, non? Ben, puis ils avaient ces joueurs. Oui. Je veux dire, les équipes avaient leur line-up. C'est quoi le rapport? Tu sais, je comprends pas. Ouais. Honnêtement, je comprends pas. Puis c'est. Puis l'autre chose, mon autre, ben, peut-être demi-citron, là. Mm. C'est dans le football encore. As-tu vu le groupe d'Éric Lapointe qui se retire pour acheter les Alouettes parce que les délais sont trop serrés, puis il n'y a pas le temps de vérifier les livres. Hey, yoï, c'est pas fort, ça, là. Écoute, j'ai parlé avec Pierre Cheval lundi, puis Pierre disait que il y a plus d'argent. Ça vaut rien, les Alouettes. Ça vaut absolument rien. Il y a plus d'argent à mettre pour leur remettre la remise à niveau. Ils n'ont pas de stade. Ils n'ont pas de centre d'entraînement. La fanbase baisse continuellement. Ça vaut quoi? Ah, ça vaut rien. C'est les ligues de sport, là, on l'oublie. Là. Mais si tu veux partir une ligue de sport demain matin, bonne chance. Dans n'importe quel sport, c'est très, très, très fragile. On l'a vu avec la Ligue canadienne de hockey aussi. Là. Non, c'est ça. C'est très, très fragile. Ouais, mon autre prix citron, c'est ici régionalement. Marc, c'est demain soir le 7e match de Ligue du Lac au Fleuve à 20h. Peint de la misère avec ça, puis je vais te dire pourquoi, parce que je peux pas croire, moi, qu'il n'y a pas de disponibilité de glace avant ça au Saguenay, avec le nombre de patinoires que vous avez de glace. Ben, c'est bien simple, Danny, il y a un tournoi. Il y a un tournoi? Il y a un gros tournoi majeur. Mais il n'y aurait pas été moyen d'avoir d'autres choses? Ben non, à moins que tu fasses le match à Jonquière ou ben là, tu peux pas faire ça. Je veux dire, tu peux pas. Non, ils peuvent rien faire contre ça pour eux autres. Ils ont un tournoi. OK. Parce que moi, quelque part, tu sais, tu te prives d'au moins 100 personnes à Dolbeau-Missessigny. Ouais, mais t'es pas pour canceller les tournois qui sont non, des mois d'avance pour les 100 personnes à Dolbeau-Missessigny. Ça a manqué de respect à eux autres. Ouais. Oublie pas une affaire. Là. Cette ligue-là, le monde. Tu sais, les gars qui jouent dans cette ligue-là, puis les coachs, puis tout, là, c'est du gros bénévolat. Ouais. Tu sais, je veux dire, eux autres, ils travaillent comme ils peuvent, puis ils font ce qu'ils peuvent, puis c'est pas le Canadien de Montréal. Non, non. Ils tasseront pas le tournoi. Là. C'est sûr et certain. Là. Fait que. Puis des tournois, tu sais, on n'entend pas de tournois là, de hockey tant que ça, mais parce que bon, c'est des tournois majeurs. Très bon pour l'économie. Mais c'est bon pour l'économie en tant que tu sais, puis ce match-là, tu n'aurais pas pu. Tu pouvais pas le faire. Un, tu pouvais pas le faire en pleine semaine. Non. Puis deux, tu pouvais pas le faire la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, ça n'avait pas d'allure. Fait que la seule chose qui restait pour eux autres, c'est ça. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient vraiment pas le choix de faire autrement. Puis, tu sais, je veux dire, regarde, je sais que la comparaison est très boiteuse, là. Puis, je suis allé voir Kiss, enfin, cette semaine à Québec, là. OK, oui. Je suis rentré, je me suis endormi, il était à peu près 2h moins quart le matin. Je me lève à 4h15 le matin. J'ai dormi 2h et des poussières. Ouais. Fait que s'il y a du monde qui veulent vraiment y aller voir la game, là, sacrément, ils iront, là. Tu sais, je veux dire, demain, là. Ouais. Dolbeau, la baie, c'est pas la fin du monde, à moins qu'ils fassent vraiment tempête, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. S'ils veulent vraiment, vraiment y aller, ils iront. Je veux dire, c'est plate. Puis je comprends, puis je veux pas être, je sais pas qu'on travaille le matin, puis que la route, puis tout, puis c'est dole. Mais c'est sûr qu'il y aurait eu, au moins 100 personnes de plus. C'est sûr et certain, en tout cas. Ben, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas, tu sais, c'est limite hockey amateur, ça, là. Ben ouais, ils ont pas, ils vont avec l'huile de coude qu'ils ont, puis ils font ce qu'ils peuvent, puis c'est... Ah non, là-dessus, moi, je pense qu'on peut pas, on peut pas chialer, ben, là-dessus, le tournoi était setupé depuis un bout, tu sais, puis l'équipe de la baie, ça avait pu être dans la finale non plus à ce moment-là. Fait que, mais c'est ça, mais le match à 17h, je sais pas, déjà 17h, c'est moins. Non, mais probablement que c'est la finale du tournoi à cette heure-là. Je veux dire, c'est. D'après moi, ils ont mis la meilleure heure qu'ils pouvaient. Là. En tout cas. Je pense pas qu'ils ont fait exprès pour faire suer le monde de le beau Stassini. Je pense pas qu'ils ont fait exprès. Là. Je pense vraiment. Puis tu sais, même pour les gars qui vont de Saguenay, là. Ouais, 8h, ça ne doit pas triper. Il ne doit pas en avoir là-dedans qui trippe tout. Là. Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Marc, gros merci. On s'en reparle samedi prochain. Marc Tiquet de Radio X.